السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc on se retrouve aujourd'hui, mes frères, pour continuer cette conférence organisée par le Merkez Al-Furqan de Belgique. Et avant de commencer, nous remercions les responsables de ce Merkez pour les efforts qu'ils font dans la propagation de la science légiférée, en organisant ce genre de séminaire dans lequel nos frères et nos sœurs apprennent les fondements et les règles de leur religion. Donc on les remercie grandement pour ce bienfait et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser de la meilleure des manières. Donc aujourd'hui, mes frères, nous allons discuter ensemble autour d'un sujet très important, le sujet de la salafiyya, cette prêche, cette da'wah, cette prédication de la salafiyya. Et nous allons voir quatre règles en or qui font partie des règles de cette da'wah. Et pour cela, nous allons nous baser sur une conférence qu'a donnée notre shir, Al-Allama, Waliduna, notre père, notre shir bien-aimé, shir Ubaid Al-Jabiri, Hafizahullahu Ta'ala, dans une conférence où il a exposé Al-Usul Wal-Qawa'id Lil-Manhaj Al-Salafi, les règles et les fondements de la méthodologie salafie. Bien sûr, nous ne pourrons pas traduire l'ensemble de la conférence, mais nous allons citer une brève introduction sur la salafiyya et ces quatre règles qui font partie donc des règles du prêche salafi. Donc le shir, sans plus attendre, nous allons commencer. Et notre shir, shir Ubaid, hafidhahullahu ta'ala, nous dit وَقَبْلَ أَنْ نَنْتَقِلَ إِلَى بَعْدِ الْقَوَاعِدِ فِي الْمَنْهَجِ السَّلَفِي أُرِيدُ أَنْ أُعَرِّفَ الْمَنْهَجَ السَّلَفِي وَتَعْرِيفُ الْمَنْهَجِ السَّلَفِي يَسْتَدَّعِي مِنَّا شَيْئَيْنِ الْأَوَّلُ فِي السَّلَفِيَّةِ الثاني في التحديد هذا المنهج ما هو وما معناه. Donc le shir, shir Ubaid, hafidhahullahu ta'ala, nous dit, avant de mentionner certaines règles du manhaj salafi, j'aimerais définir quel est le manhaj salafi. Et la définition du manhaj salafi exige de nous deux choses. La première concerne la salafiyya et la deuxième concerne la désignation de cette méthodologie. فالسلفيّة لغة نسبة إلى من سلف بمعنى مضى فيقال للماضي السالف وإذا أمضى الإنسان شيئا قيل له أسلفه وفي الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير يعني ما أمضيت من قبل. Donc la clarification de sa signification, mes frères, est que la salafiyya, le sujet la concernant est clair. D'un point de vue linguistique, elle est une affiliation à ce qui a précédé, c'est-à-dire ce qui est passé. Ainsi, il est dit pour le passé, el mardi, el salif. Et si une personne a mené une chose à bien, on dit de lui aslafu, aslafahu, pardon. Et il est mentionné dans le hadith mentionné par l'imam muslim, aslamta ala ma aslafta min khayr. Qui veut dire, comme l'a expliqué le grand savant Ibn Battal, qui est mort en 449 de l'Égypte, concernant ce hadith, il a dit, qala ba'du ahli al-ilm, ma'na hadha al-hadith, أن كل مشرك أسلم أنه يكتب له أجر كل خير عمله قبل إسلامه ولا يكتب عليه بشيء من سيئاته. Donc Ibn Battal, pour expliquer ce hadith, a dit, certaines personnes de science ont mentionné que le sens de ce hadith est que tout associateur qui se convertit à l'islam se verra écrire une récompense pour chaque bien qu'il a œuvré avant son islam. Et rien de ses mauvaises actions ne sera écrite. Wa fil istilah, kullu man mada ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala athalih, min ashabihi wa a'immat tabi'in, wa man ba'dahum. Et dans le jargon religieux, mes frères, as-salafi, ou as-salaf, tous ceux qui ont précédé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient sur ses traces parmi les compagnons et les imams des suiveurs des compagnons, ce qu'on appelle les tabi'in, et de ceux qui sont après eux. Wa idha atlaqa lafdhu as-salaf as-salih fa innahu la yansarifu awwalan illa ila al-qurun ath-thalath al-mufaddalah وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ثم أتباع التابعين وعلى هذا ينزل المحققون من أهل العلم حديث خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم وما في معناه من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et si le terme pieux prédécesseur Salaf ou Salih est mentionné de façon générale, alors il désigne uniquement les trois premières générations supérieures. Elles sont la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ceux qui les suivirent, puis ceux qui suivirent les suiveurs. Et les spécialistes parmi les gens de science mentionnent à ce sujet le hadith que vous connaissez tous. Les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui viennent après eux. Puis ceux qui viennent après eux, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, ainsi que les autres hadiths authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Wa a'immatu salafiyya ba'da ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-tabi'in mithlu sa'idain wa al-sha'bi wa ikrimah wa mujahid ومن أتباع التابعين كالأئمة الأربعة والأوزاعي والحمادين وسفيانين والليث بن سعد وأبي عبيد القاسم ابن سلام والبخاري ومسلم ومن سلك سبيل هؤلاء فإنهم أئمة السلف الصالح. Et les imams de la salafia, écoutez mes frères, écoutez, en tant que salafi on se doit de connaître le nom de ces imams. Nos enfants doivent connaître le nom de ces imams et doivent les prendre comme exemple. Donc écoutez bien mes frères. Le Shir Shir Ubaid Hafidhahullah Ta'ala nous mentionne et les imams de la Salafiyya après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les suiveurs sont les deux Saïd. C'est-à-dire Saïd Ibn al-Musayyib, qui est mort en 94 de l'Égypte et qui a vécu à Médine. Saïd ibn Jubayr, hein, on appelle les deux Saïd, ces deux Saïd-là. Et lui qui est mort en 95 de l'Égypte et qui a vécu fil Koufa, yani en Irak. Al-Sha'bi, hein, Amir ibn Sharahil, qui est mort en 103 et qui a vécu aussi fil Koufa. Également, Ikrima, hein, al-Barbari, hein, qui était le servant d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et qui lui est mort en 105 de l'Égypte et qui a vécu à Médine. Mujahid, hein, Mujahid ibn Jabr, qui est mort en 104 de l'Égypte et qui a vécu à Mecca. Et parmi les suiveurs des suiveurs, tels que les quatre grands imams, Abu Hanifa. Abu Hanifa, vous connaissez tous, c'est Nu'man ibn Thabit, qui est mort en 150 et qui a vécu fil Kufa. Malik ibn Anas, l'imam Malik, qui est mort en 179 de l'Égypte et qui a vécu à Médine. Al-Shafi'i, Mohamed ibn Idris, Al-Shafi'i, qui est mort en 204 de l'Égypte et qui a vécu et qui est la fin de sa vie en Égypte. Et Ahmed ibn Hanbal, hein, qui est l'imam d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est mort en 241 de l'Égypte et qui a vécu à Bagdad. Al-Awza'i, Abdurrahman ibn Amr, Al-Awza'i, qui est mort lui en 157 de l'Égypte et qui a vécu au Shem. Hein, la Shem, c'est la région, mes frères, au nord de l'Arabie, qui correspond aujourd'hui à la Palestine, à la Jordanie, au Liban et à la Syrie. Également, il nous dit le Shir, les deux Hammad, c'est-à-dire Hammad ibn Salama, qui est mort lui en 167 de l'Égypte et qui a vécu fil Basra, hein, en Irak. Et Hammad ibn Zayd, qui est mort lui en 179 de l'Égypte. Également, les deux Sofiane, Sofiane al-Thawri, qui est mort en 161 de l'Égypte et qui a vécu fil Koufa, et Sofiane ibn Uyayna, qui est mort en 198 de l'Égypte, qui a vécu fil Koufa également. Également, Al-Layth ibn Sa'd, hein, le grand imam, Al-Layth ibn Sa'd, imam Misr, qui est mort en 175 de l'Égypte et qui a vécu en Égypte. Hein, également, Abu Ubaid ibn Qasim ibn Sallam, hein, qui est mort en 224 de l'Égypte et qui a vécu à Mekka. Également, Al-Bukhari, qui est mort en 256, et l'imam Muslim, qui est mort en 261 de l'Égypte, et tous ceux qui ont suivi la voie de ceux-là. Ceux-là sont les imams des pieux prédécesseurs. Vous devez, mes frères, connaître ces imams. Vous qui vous prétendez salafiyoun, vous devez connaître a'immatus salafiyya, qui sont ces imams parmi les premières générations, et enseignez à vos enfants, enseignez à vos familles la vie de ces imams, afin qu'ils les prennent pour exemple dans leurs paroles et dans leurs gestes. Et le shir continue, il nous dit wa'alamu barakallahu fikum anna as-salafiyya lam yu'assisha ahadun min al-bashar fi zamanin aw makan falam yakun shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab ma'a akhihi al-imam Muhammad ibn Sa'ud mu'assisain lis-salafiyya wala man qablahuma min ahli al-ilm wa immat ad-din ودعاة الحق إلى هذه الملة الحنيفية مؤسسين لها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ومن قبله من الأئمة الأربعة ومن سمينا من الأئمة ولا التابعون ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا من مضى من قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بل هي من عند الله جاء بها النبيون والمرسلون بلغوا عن الله ما أراده من العباد شرعا ومن بعده من أصحابهم ومن أتباعهم فمن بعدهم دعاة إلى الله وفق هذه السلفية. Et sachez, nous dit le shir, sachez, barakallahu fikum, que la salafiyya n'a pas été fondée par une quelconque personne parmi les êtres humains, de tout temps et en tout lieu. Ainsi, shir al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab et son frère en islam, al-Imam Muhammad ibn Saoud, ne sont pas les fondateurs de la salafiyya, ni aucun de ceux qui étaient avant eux, parmi les gens de science, parmi les imams de la religion et les prédicateurs de la vérité, tels que Shirul Islam ibn Taymiyyah, qui est mort en 727 de l'Égypte, et ses élèves, ainsi que ceux avant lui, tels que les quatre imams, et ceux qu'on a mentionnés plus tôt, ni les suiveurs des compagnons, ni les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni ceux qui ont précédé parmi les prophètes et les messagers. Aucun d'eux est le fondateur de la salafiyya, mais plutôt la salafiyya vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La salafiyya, mes frères, vient d'Allah azza wa jal. N'en déplaise à ceux qui insultent et se moquent de la salafiyya. Cette salafiyya vient d'Allah azza wa jal. à qui il a voulu en tant que législation. Ils l'ont transmis de la part d'Allah, yani les prophètes et les messagers, à qui il a voulu en tant que législation. Et ce, après eux, parmi les compagnons, ainsi que leurs suiveurs. Ainsi, ceux qui sont venus après eux sont des prédicateurs dans la voie d'Allah, en conformité avec cette salafiyya. وَلِهَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مُسْتَنِدْ سِوَى النَّاسِ فجميع أقوال الناس وأعمالهم ميزانها عندنا شيئان النص والإجماع فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا من كان ثم إن كان هذا المخالف أصول سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة فإن خطأه يرد ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته وإن كان ضلا مبتدعا لم يعرف لسنة وزنا ولم تقم لها عنده قائما مؤسسا أصوله على الضلال فإنه يرد عليه كما يرد على المبتدع الضلال ويقابل بالزجر والإغراض والتحذير منه إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه سبحان الله. Écoutez mes frères, écoutez ces règles et ces leçons que nous explique notre cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Il nous dit: donc celui dont la parole et l'œuvre concordent avec un texte ou un consensus verra cette parole ou cette œuvre acceptée. Avant cela, le shir nous dit, par conséquent, la salafiyya n'a pas de référence autre que les textes. Ainsi, la totalité des paroles et des œuvres des gens sont jugées par deux choses. La totalité des paroles et des œuvres de n'importe qui est jugée avec deux choses, les textes, Al-Qur'an wa Sunna, et le consensus, Al-Ijma. Donc celui dont la parole et les œuvres concordent avec un texte ou un consensus, verra cette parole ou cette œuvre acceptée. Quant à celui qui contredit un texte ou un consensus, il verra sa parole ou son œuvre rejetée, qu'importe l'identité de son auteur. Ainsi, si les fondements, si la prédication ou tout ce qui vient de ce contradicteur, de ce mukhalif, sont basés sur la sunna, alors on dira qu'il s'est trompé. Et on rejette. Et il n'est pas suivi dans son erreur. Mais par contre, sa dignité est préservée. Ça c'est très important mes frères. Très très important. Et surtout à notre époque de fitan. Hein? Écoutez, je répète ce qu'a dit le shir. Si celui qui contredit un texte ou le consensus a des fondements, a une prédication où tout ce qui vient de lui sont basés sur la sunna, alors on dira qu'il s'est trompé et on rejette ce qu'il a dit. On ne suit pas dans son erreur. Par contre, on préserve sa dignité et on ne l'insulte pas et on ne dénigre pas son honneur comme malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Dès que une personne de la sunna, dès qu'un salafi se trompe, il est déshonoré. Il est insulté par des termes malveillants. Wallahu al-musta'an. Quant à celui, nous dit le shir, qui est égaré, innovateur, il ne connaît rien de la sunna. Et il ne pratique rien de la sunna. Il établit ses fondements sur l'égarement. Alors il est réfuté comme est réfuté l'innovateur égaré. On le confronte avec réprimande et sévérité. On met en garde contre lui. Excepté, nous dit le shir, si un plus grand mal est provoqué par cette mise en garde. Ah, attention. Hein, le shir nous dit, si un plus grand mal qui est provoqué par cette mise en garde, alors on fait attention. Hein? Et ça, les savants de cette communauté, les savants de la Salafia, maîtrisent cette règle. Et ils savent quand il faut réfuter. Et comment réfuter. Au contraire des ignorants et des petits. وَأَمَّا الْمَنْهَجَ السَّلَفِي فَهُوَ اتِّبَاعُ كُلِّ مَا جَاهَ عَنِ اللَّهِ وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك قولا وعملا هذا هو المنهج السلفي وهو الطريق السلفي وهو مسلك أهل السنة والجماعة لأن السلفية لها عدة مسميات ولا اختلاف بينها في المعنى فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة. Quant à la méthodologie salafie, elle consiste à suivre tout ce qu'Allah et son messager ont rapporté et de s'y accrocher avec les paroles et les actes. Ceci est donc le manhaj salafie. Ceci est la voie salafie, la voie des adeptes de la sunna et du groupe. En effet, mes frères, la salafie possède un certain nombre de dénominations, mais il n'y a pas de différence entre elles dans la signification. Ils sont donc le groupe sauvé, al-firqatun najiya, le groupe victorieux, al-ta'ifatul mansoura. Ils sont les adeptes du hadith, les adeptes de la sunna et du groupe. Wa in sa'alta ayyu al-muslim ma hasilu i'tiqad as-salafiyya fa jawabuna لقد عبر عن ذلك علم من أعلامها وإمام من أئمتها وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ قال في العقيدة الواسطية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره قال مقيده وفي هذا المعنى من الأحاديث الصحيحة المشهورة حديث عمر رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل عليه السلام وفيه فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره الحديث. Et Shir nous dit, et si on te questionne, ô toi le musulman, quelle est la réalité du dogme de la salafia? Bonne question. Quelle est la croyance? Quel est le dogme de la salafia? Notre réponse. Un savant parmi les savants célèbres de la Salafia. Un imam parmi les imams de la Salafia a formulé cela. Ce savant est Shir ul Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il mentionne dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyyah, il nous dit ensuite, ceci est le dogme du groupe sauvé victorieux, jusqu'à que vienne l'heure. Les adeptes de la sunna et du groupe. Cette croyance, c'est quoi? La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, à la résurrection après la mort, et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et Shir Ubayd mentionne ensuite, et parmi les hadiths authentiques, célèbres sur le sujet, on a le hadith que vous connaissez tous, rapporté par Omar ibn al-Khattab, connu sous le nom de hadith Jibril, dans lequel le prophète fut questionné par Jibril, « Informe-moi à propos de la foi. » Et le prophète a dit, « La foi, sallallahu alayhi wa sallam, est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais, comme l'a rapporté l'imam muslim. « فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنِّي أُورِدُ لَكُمْ بَعْضَ الْقَوَاعِدِ الْقَاعِدَةُ الْأُولَى الانتساب إلى السلفية فإن كثيرا مما يدعون أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم على الهدى يشمئزون من الانتساب إلى السلفية وحتى تطمئن قلوبهم إلى هذه النسبة وتقوى عزيمتهم وتقوى عزيمتهم لأن ما وقر في قلوبهم من الاشمئزاز منها فهي وسوسة شيطانية قواها في قلوبهم ضعف العزيمة وقلة الفقه في الدين فلو كانت عزائمهم قوية وتحصيلهم من الفقه في الدين قويا ما اشمأزوا من ذلك ولم يجدوا في أنفسهم غضاضا منه. Et donc le shir nous dit, si cela est assimilé, je vais maintenant vous mentionner certaines règles de la salafia. Et nous, on va en choisir quatre, incha'Allah ta'ala. La première règle, l'affiliation à la salafia. Ainsi, beaucoup de ceux qui prétendent être des adeptes de la sunna et du groupe et d'être sur la guidée répugnent, rejettent le fait de s'affilier à la salafia. Jusqu'à que leur cœur se tranquillise sur cette affiliation et que s'affermisse leur courage. Car ce qui s'est endurci dans leur cœur comme répulsion pour la salafia est en réalité une insufflation de shaitan. La faiblesse de leur résolution et le peu de compréhension de la religion ont renforcé cette insufflation dans leur cœur. Si leur résolution était forte, ainsi que leur obtention de la compréhension de la religion, ils n'auraient pas répugné la dénomination de salafia. Ils n'auraient pas trouvé au fond d'eux du dénigrement pour celle-ci. Subhanallah. Combien de nos frères prétendent faire partie de la sunna, mais n'osent pas dire « je suis salafi ». Ils répugnent à dire « je suis salafi ». Et ils ont peur du mot « salafiya ». Et comme nous dit le shir, ceci est une insufflation de shaitan. فَنَقُولُ لَهُمْ أَوَّلًا. Alors le shir nous dit, nous leur disons premièrement, جَاءَ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَمِنْ ذَلِكُمْ قَوْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ. Et donc nous leur disons à ces gens, ceux qui répugnent le mot salafi, ceux qui le détestent, on leur dit, il a été rapporté dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui indique cette affiliation. Et parmi cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Fatima, sa fille, radiyallahu anha, quel bon salaf, quel bon prédécesseur je suis pour toi, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim. Wal amru thani, anna hadhihi nisba. لم تكن محدثا بل هي من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهم السلف وكلمة السلف درجة عند أئمة أهل هذه الملة أهل السنة والجماعة ويزيد هذا وضوحا الإجماع على صحة الانتساب إلى السلفية وأنه لا غضاضة في ذلك. Le deuxième point qu'on leur dit, c'est que cette affiliation, l'affiliation de la salafia, n'est pas quelque chose de nouveau, mais plutôt, elle date de l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, salaf, et le mot salaf possède un haut rang auprès des imams, des adeptes de cette religion, les adeptes de la sunna et du groupe. Et ce qui vient ajouter encore plus de clarté à cela, c'est le consensus, l'ijma, concernant la validité de s'affilier à la salafia. Et il n'y a pas de dénigrement en cela. وَقَدْ حَكَ الْإِجْمَاعِ شِيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا عَيْبَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ مَذْهَبَ السَّلَفِ وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ وَاعْتَزَّ إِلَيْهِ بَلْ يَجِبُ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْهُ بِالِاتِّفَاقِ بِالِاتِّفَاقِ فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًّا. Et donc, Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah rapporte le consensus sur le sujet en disant, Il n'y a pas de honte pour celui qui manifeste la voix des salafs et qui s'affilie à celle-ci et qui renvoie à celle-ci. Mais plutôt, il incombe d'accepter cela de cette personne, selon le consensus des savants. Car la voix des salafs n'est seulement que la vérité. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc ne vous laissez pas tromper, mes frères, par ceux qui dénigrent l'affiliation à la salafiyya. Faya shabab al-islam khassa wa ya ayyuha al-muslimun amma la yakununna fi sudurikum haraj min al-intisab ila al-salafiyya bal irfa'u biha ru'usakum wasda'u biha wa la ta'khudhukum fi dhalika lawmatul la'im wa la ta'khudhukum fi dhalika lawmatul la'im wa azidukum shay'an akhar. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من علامات أهل البدع ترك انتحار السلف الصالح فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعوية الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم والمناوئة لأهل السنة والجماعة إلا وهو يكره السلفية ويكره الانتساب إليها لأن السلفية ليست مجرد نسبة بل السلفية تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Ainsi, nous dit le Cheikh, ô vous les jeunes de l'islam en particulier, ô vous les musulmans de manière générale, le shir s'adresse à vous, mes frères. Le shir s'adresse à nous. Il ne faut pas qu'il y ait dans vos cœurs une gêne dans le fait de s'affilier à la salafiyya. Mais plutôt, levez vos têtes avec cette affiliation. Proclamez-la. Que le blâme du blâmeur ne vous affecte pas. Et je rajoute même une chose, nous dit le shir. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mentionne que parmi les signes des adeptes de l'innovation, le fait de délaisser l'affiliation aux pieux prédécesseurs. Et tu ne trouves donc pas un seul successeur, plus particulièrement ceux qui s'affilient au nouveau groupe de prédication présent sur la place aujourd'hui, opposant aux adeptes de la Sunna et du groupe, excepté le fait qu'il déteste la salafiyya. Il déteste l'affiliation à la salafiyya. Car la salafiyya n'est pas une question d'affiliation, mes frères. Mais plutôt, la salafiyya s'est réservé son culte exclusivement à Allah. Et s'est réservé son suivi uniquement au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la salafiyya. Donc n'ayez pas peur, mes frères. N'ayez pas peur de ce terme. N'ayez pas peur de vous affilier à la salafiyya et de dire « Ana salafi !» « Fannasu ya bunay hizban, hizbur rahman wa hizbur shaytan. Fa hizbur shaytan al-kuffar wal-munafiqoun nifaqan i'tiqadiyan wa hizbur rahman humul muslimoun alladhina lam yarkabu ما يخرجهم من مسمى الإيمان إخراجا كاملا وخالص هذا الحزب حزب الرحمن الذين لم يضلوا ولن يضلوا ولن يتنكبوا جدة الهدى والحق في كل زمان ومكان ولن يجتمعوا على ضلالة هم السلفيون أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. Et le shir nous dit, les gens se divisent, ô mon fils, en deux parties. Le parti d'Ar-Rahman, yani le parti d'Allah, et le parti de Shaytan. Le parti de Shaytan représente les mécréants et les hypocrites. Les hypocrites d'une hypocrisie liée à la croyance. Alors que le parti d'Ar-Rahman représente les musulmans qui n'ont pas pratiqué ce qui les ferait sortir complètement du cercle de la foi. Et les purs de ce parti, yani le parti d'Ar-Rahman, ceux qui n'ont pas été égarés et qui ne seront pas égarés et qui, quelle que soit l'époque ou l'endroit, n'ont pas dévié du chemin de la guidée et de la vérité et qui ne se sont pas regroupés sur un égarement, ceux-là sont qui mes frères? Ceux-là sont qui? Ceux-là sont As-Salafiyoun, les adeptes de la Sunna et du groupe. Le groupe victorieux et le groupe sauvé. Ainsi est la première règle, mes frères, citée par le Shir, l'affiliation à la salafiyya. Al-qa'idatu thaniya. Yu'lafu al-rijal bil-haq, wa la yu'lafu al-haq bil-rijal. Wa ma'na hadhi al-qa'ida, anna al-insan yuwassifu bil-tamassuk, wa annahu min ahli sunnah, wa annahu ala al-haq, alladhi lam tushbih. شائبة البدعة والخرافة فالعلامة الدالة عليه من تهجه من حق بأقواله وأعماله وهذا هو الشطر الأول ولا يعرف الحق بالرجال والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل في قول أو فعل هو دلالة على أنه مصيب بل الحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين ميزانان فقط النص والإجماع. La deuxième règle, mes frères, comme nous mentionne le Shir, on reconnaît les hommes avec la vérité, mais la vérité n'est pas reconnue à travers les hommes. Et vous connaissez cette règle, je pense. La signification de cette règle est que l'individu qui est décrit par l'attachement, yani l'attachement au Coran et à la Sunna, qu'il fait partie des adeptes de la Sunna et qu'il est sur la vérité, celle qui n'est pas assimilée à la souillure de l'innovation et de la fabulation. Le signe qui indique cela de lui est son suivi de la vérité avec ses paroles et ses actes. Et cela est la première moitié de la règle. Yani on reconnaît les hommes avec la vérité. Et la vérité n'est pas reconnue à travers les hommes, c'est-à-dire que le simple fait qu'un homme a telle ou telle attitude dans une parole ou un acte n'indique pas forcément qu'il est conforme à la vérité. Mais plutôt, pour les salafiyoun, le jugement concernant les paroles et les actes sont basés ou est basé uniquement sur deux balances. Le texte, et le Coran ou la Sunna, et le consensus. Et le consensus. القاعدة الثالثة في الحب والبغض فإن كثيرا مما يدعون أنهم دعاة إلى الله يحفون ويجورون في مسلك الحب والبغض فمعيار الحب والبغض عند هؤلاء في الأشخاص في ذوات الأشخاص وقد أجمع أهل الحق La troisième règle, nous mentionne le Shir, mes frères, concerne l'amour. L'amour et l'aversion. Beaucoup de ceux qui prétendent être des prédicateurs dans la voie d'Allah accordent de l'intérêt et empruntent la voie de l'amour et de l'aversion. Cependant, les critères de l'amour et l'aversion de ces gens-là tournent autour des personnes eux-mêmes. Alors que les adeptes de la vérité sont unanimes sur le fait qu'il n'y a pas d'amour pour une personne elle-même, excepté pour Allah Azza wa Jal. Wa amma fi sunna, fa inna mi'yal al-hub wal-bughd laysa fi al-ashkhas, bal huwa fi Allah. Faqad sahhat al-akhbar bi anna al-hub fi Allah wal-bughd fi Allah wal-muwala fi Allah wal-mu'ada في الله والمعادة في الله والمنع في الله والإعطاء في الله هذه ست صفات من استكملها وانتهجها في معاملته للآخرين استكمل عر الإيمان. Alors que dans la Sunna, mes frères, les critères de l'amour et de l'aversion ne sont pas basés sur les personnes elles-mêmes, mais plutôt, ils doivent être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les textes ont prouvé que l'amour que l'aversion, que le soutien, que l'animosité, que le fait de donner ou le fait de priver. Tout cela doit être pour Allah. Comme ceci est rapporté dans le hadith célèbre, hadith Abi Umama, rapporté par Abu Daoud et autres, et authentifié par l'imam Al-Albani. Et celui qui parfait donc ces six caractéristiques, hein, l'amour, l'aversion, le soutien, l'animosité, le fait de donner et le fait de priver, et agit avec celle-ci dans ses échanges avec les autres, aura alors parfait l'aisance de la foi. Donc l'amour et l'aversion, l'animosité, se doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pour les gens, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, les gens s'allient et se désavouent selon les personnes, et non selon Allah subhanahu wa ta'ala. والله المستعان القاعدة الرابعة في الرد على المخالف وكثير من الناس يهونون شأن هذا الجانب ويرونه عامل تفرقة للأمة لأن الأمة كما زعموا تحتاج إلى الاجتماع ورأب الصدع. La quatrième règle, et ce sera la dernière règle pour aujourd'hui mes frères, parmi ces quatre règles en or choisies parmi les règles de la salafia, concerne la réfutation du contradicteur, al-mukhalif. Beaucoup de gens méprisent l'affaire de cette règle et ils pensent que cela est une cause de division de la communauté. Car la communauté, selon leurs prétentions, a besoin d'union et de réparer les divisions. فنقول اولا هذا الاجتماع الذي تؤسسونه له بما تؤسسون وتقعدون له بما تقعدون وتدعون إليه بشتى العبارات أهو في ذات الله أم في ذات الأشخاص فإن كان في ذات الأشخاص فهذا لا حاجة بنا إليه وإن كان في ذات الله فمن أين تستمد أصوله وقواعده فإنه تستند أصوله وقواعده من النص وهو الكتاب والسنة ومن إجماع السلف الصالح. Nous disons, premièrement, l'union sur laquelle vous vous fondez, vous vous positionnez et à laquelle vous appelez en la nommant par diverses expressions. Est-ce que cette union est pour Allah lui-même ou pour les individus? Si elle est pour les individus, alors nous n'avons aucun besoin d'elle. Nous n'avons aucun besoin d'elle. Mais si elle est pour Allah, alors d'où puise-t-elle ses fondements et ses règles? Elle doit puiser ses fondements et ses règles des textes qui sont le Coran et la Sunna et du consensus des pieux prédécesseurs. وثانياً أنتم تريدون ألا يفترق المسلمون ألا يفترق المسلمون فإذا قالوا نعم قلنا تريدونهم أن يجتمعوا على ماذا على منهج معين. Deuxièmement, vous voulez que les musulmans ne se divisent pas. S'ils répondent oui, alors nous disons, vous voulez qu'ils s'unissent sur quoi? Sur quelle méthodologie? Sur une méthodologie précise? Al-jawab, na'am, naqul, اسمعوا ما جاه به عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال الجماعة هذا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى فهدان الجماعة الجماعة وهي السلفية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأبى الله أن يجتمع الناس à la غيلي ذلك. Si la réponse est oui, yani la réponse, est-ce que vous voulez qu'ils s'unissent sur une méthodologie précise? Si c'est oui, alors nous disons, écoutez ce avec quoi est venu le serviteur d'Allah, son messager, son élu, son ami privilégié, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous iront au feu sauf une. Ils demandèrent, quelle est-elle? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, le groupe, comme l'a rapporté à Tirmidhi et autres, et authentifié par l'imam al-Albani. Ceci est ce qu'Allah agrée. Donc mes frères, al-jama'a, le groupe. Ce groupe c'est quoi? Ce groupe c'est la salafia. C'est le groupe victorieux. C'est le groupe sauvé. Ceux qui étaient ce sur quoi était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Et Allah refuse. Allah refuse que les gens se réunissent sur autre que cela. وَقَدْ تَوَاتَرَ النَّقْلَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى رَدِّ الْمُخَالِفَةِ عَلَى رَدِّ الْمُخَالَفَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِدْعِيَّةِ وَأَنَا ذَاكِرٌ لَكُمْ بَعْدَمَا صَحَّ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَتْبَعُهُ بِبَعْدِ أَقْوَالِ مَنْ بَعْدَهُمْ. Les narrations provenant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de réfuter les contradicteurs ont certes été rapportées à profusion, même s'ils n'étaient pas innovateurs. Et je vais vous mentionner, nous dit le Shir, quelques paroles authentiquement rapportées des compagnons. Puis je les ferai suivre de certaines paroles de ceux qui sont venus après eux. فهذا الفاروق رضي الله عنه يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. Ainsi Al-Farouq, et vous savez tous qu'Al-Farouq correspond à Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui a dit, méfiez-vous des adeptes du raisonnement, car ils sont certes des ennemis des sunan. Ils se sont lassés d'apprendre les ahadiths, alors ils ont parlé avec leur raisonnement. Ainsi, ils se sont égarés, et ils ont égaré, comme l'a rapporté à Dar-Qutni et autres. Wa qala Ibn Abbas radiallahu anhuma, wallahi ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم فقيل وكيف قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا حملها إلي قمعتها بسنة فترد عليه سبحان الله. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Par Allah, aujourd'hui je ne pense pas que Shaitan souhaite la destruction d'une personne plus que moi. Alors on lui a dit pourquoi, comment cela? Il a dit, l'innovation est apparue à l'est ou à l'ouest. Alors un homme me la rapporte. Et s'il me la rapporte, je la réprime avec la sunna. Et ainsi, elle le réfute. Comme l'a rapporté l'imam al-Lalakai. Wa qala ibn Mas'ud radiallahu anhu. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Ce athar est très connu de Abdullah ibn Mas'ud qui a dit radiallahu anhu, suivez et n'innovez pas, il vous a certes suffi, comme l'a rapporté Ad-Darimi et autres, c'est-à-dire comme l'a mentionné Shir al-Albani rahimahullah ta'ala, il vous a certes suffi ce qu'Allah a légiféré pour vous comme religion, comme obéissance et comme adoration. وقال الشعبي رحمه الله تعالى إياكم والمقاييس فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا به أو قال فاحفظوه. إيه الشعبي رحمه الله أدي méfiez-vous de l'analogie, car par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous prenez l'analogie, vous allez rendre licite l'illicite, et vous allez rendre illicite le licite. Donc ce qui vous parvient de ceux qui ont mémorisé directement des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prenez-le. Ou il a dit, mémorisez-le, comme l'a rapporté Ad-Darimi et autres. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى اسبر نفسك على السنة وقول ما قالوا وكف عمن كف على قوم عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. Et l'imam al-Awza'i, rahimahullah, dit, patiente, patiente sur la sunna, dis ce qu'ils ont dit, retiens-toi de ce qu'ils se sont retenus, et prends le chemin de tes pieux prédécesseurs, car il te suffit ce qui leur a suffi, comme l'a rapporté l'imam al-Lalaka'i. فَبَانَ بِهَذَا أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالتَّابِعِينَ ومن بعدهم متفقون على رد كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوتهم في ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد رد المخالفات ردا قويا وزجرا شديدا. Et il apparaît donc que les compagnons de votre prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que les suiveurs et ceux qui sont venus après sont unanimes sur la réfutation de celui qui contredit la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et leur modèle dans cela est qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a ainsi réfuté les contradictions d'une forte réfutation et d'une réprimande sévère. Lamma khalaja ila thaqif wa hawazin ba'd al-fath marra sallallahu alayhi wa sallam bi sidratin ya'kufu al-mushrikun indahum وينوتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فقال للحدثاء يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن لقد قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Et lorsqu'il est sorti donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de Thaqif et de Hawazin, après la conquête de Mecca, il passa près d'un jujubier sur lesquels les associateurs avaient l'habitude de faire une halte et d'y accrocher leurs armes. Il était appelé cet arbre Zatu Anwat. Les musulmans fraîchement convertis dirent « Ô messager d'Allah, désigne-nous un Zatu Anwat, semblable à leur Zatu Anwat ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Allah est le plus grand. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous venez de parler comme les fils d'Israël l'avaient fait avec Moussa. Désigne-nous une divinité qu'on adore semblable à leur divinité. » Et ce hadith, comme l'a rapporté l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, « Wa naqlu anhu sallallahu alayhi wa sallam kathirun wa kathirun jiddan, lakin » مقصودنا البيان بأن الرد على المخالف من أصل هذا الدين ومن قواعد الدعوة إلى الله على بصيرة. Et les narrations venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet sont très nombreux. Cependant, notre but est de clarifier que la réfutation du contradicteur fait partie des fondements de cette religion et parmi les règles de la prédication dans la voie d'Allah, avec clairvoyance. Et avec ça, mes frères, on termine une brève présentation de ces quatre règles en or que chaque salafi se doit de connaître et de mettre en application. Et bien sûr, le Shir mentionne d'autres règles de la prêche salafi, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas de faire plus. Et on espère dans un futur proche, Inch'Allah, pouvoir compléter cela, Inch'Allah ou Ta'ala. Et on se retrouvera demain, mes frères, pour justement voir le contraire de la salafiyya, hein, voir certains ou certaines de ces sectes égarées, hein, al-Qutbiyya, al-Sururiyya, al-Hadadiyya. Nous allons voir, Inch'Allah, qui sont-ils, hein, certains de leurs fondements, bi-idhnillah, Inch'Allah ou Ta'ala, demain à 20h, heure de Belgique, Inch'Allah. فجزاكم الله خيرا من خير وبارك الله فيكم والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.